Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour des dieux. Les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé les plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Les voix des sans-voix tuées. Tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être tendant. Une rafale de mitraillettes balaie le président. C'est un regrettable accident, le même rituel sanglant. Autant en emporte le vent, le sang appelle le sang. encore une fois. Au clair de la lune, je vous aime. Vous êtes...